الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers et sœurs, nous en sommes ce soir au quatrième hadith mentionné par le cheikh Rabi' ibn Hadi Umayr Al-Madkhali, Hafidhahullah Ta'ala, dans son livre intitulé Mudhakkiratul Hadith An-Nabawi, Fil Aqidati wal Ittiba', dans lequel il a réuni 21 hadiths au sujet de la croyance et du suivi. Le hadith que nous allons voir concerne l'interdiction de rechercher la bénédiction à travers les arbres, les pierres, les tombes, et autre chose semblable. Et le hadith nous démontrant cela est rapporté par le noble compagnon Abu Aqid al-Laythi, radiyallahu anhu. On dit que son nom est al-Harith ibn Malik, et d'autres ont dit ibn Auf. Il a été dit qu'il a participé à la bataille de Badr, tandis que d'autres ont dit qu'il fait partie des compagnons qui sont entrés en islam le jour de la conquête, c'est-à-dire le jour de la conquête de Mecca. Et il est mort en l'an 68 de l'Hégire, alors qu'il était âgé de 85 ans, radiyallahu anhu. Il dit donc dans ce hadith, « Kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila Hunayn. » Nous sommes sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en direction de Hunayn, Hunayn qui est un endroit proche de Mecca. Puis il dit, « Wa nahnu » حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ Alors que nous avions récemment quitté la mécréance, c'est-à-dire qu'il venait récemment d'entrer en islam. Puis il nous décrit la situation et dit وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةً Et les polythéistes avaient une sorte d'arbre appelé le jujubier. يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا Ils stationnaient auprès de cet arbre. Ils se recueillaient auprès de celui-ci. وَيَنُوطُونَ بِهَا Aslihatahum. Et ils suspendaient leurs armes à cet arbre. Donc ils restaient auprès de cet arbre en y accrochant leurs armes et leur objectif à travers cela était de rechercher la bénédiction. Ensuite il dit, radiyallahu anhu, Yuqalu laha dhat anwat. Cet arbre était appelé dhat anwat. Famararna bi sidra. Faqulna, Ya Rasulallah, اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. Nous sommes alors passés à côté d'un arbre de jujubier, un arbre semblable, et nous avons dit, ô messager d'Allah, désigne-nous un ذات انواط, un arbre où suspendre nos armes, comme eux ont un ذات انواط, comme eux ont un arbre où suspendre leurs armes. Ils ont donc voulu avoir la même chose que ces polythéistes qu'ils venaient de voir. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a alors dit Allahu Akbar. Il prononce le takbir, il proclame la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala en raison de ce qu'il vient d'entendre. إِنَّهَا sanan. Telles sont les voies. As-sanan, ce qui est visé, c'est les voies. C'est-à-dire les voies de ceux qui vous ont précédé, comme on va le voir à la fin du hadith. قُلْتُمْ والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى Par celui qui détient mon âme en sa main. Vous avez dit une parole semblable à celle des enfants d'Israël à Moussa, alayhi salam. Puis il récita la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala اجعل لنا إلها كما لهم آلهة Désigne-nous un dieu comme eux ont des dieux. Ça, c'est la parole des enfants d'Israël, à Moussa alayhi salam. Et Moussa alayhi salam leur a répondu, « Qala innakum qawmun tajhaloun. » Vous êtes certes des gens qui ignorent. Puis notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire après cela, « La tarkabunna sanana man kana qablakum. » Vous allez certes emprunter les voies de ceux qui vous ont précédés. Et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad, At-Tirmidhi et d'autres, rahimahumullah ta'ala, et c'est un hadith authentique. Donc on voit dans celui-ci que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit à la bataille de Hunayn, il y avait au sein de son armée des compagnons nouvellement entrés en islam et qui n'avaient pas forcément connaissance de tout ce dont avaient connaissance les compagnons plus anciens qui les avaient précédés. Et il se peut qu'ils ignoraient certaines choses liées à la croyance, à ses fondements, et ce en raison de leur récente entrée en islam et du fait qu'ils venaient de délaisser la religion des polythéistes. Ils sont donc passés à côté de ces polythéistes qui se recueillaient auprès de cet arbre, recherchant la bénédiction de celui-ci, et révérant et vénérant cet arbre. Quand ils ont vu cela, ces nouveaux musulmans, ils ont pensé que c'était une bonne chose. Ils ont donc demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de leur désigner un arbre comme le leur, afin qu'ils puissent eux aussi suspendre leurs armes pour trouver la bénédiction à travers cela. Et ils pensaient que ceci était une chose tolérée et qu'il n'y avait pas d'interdit en cela. Ils espéraient ensuite obtenir la victoire sur leurs ennemis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut surpris de cette demande. Il les a donc blâmés, et ce, avec sévérité. Il a clairement désigné le mal, en leur disant explicitement que ce qu'ils venaient de demander était une demande interdite semblable à celle des Banu Israël. Puis il les a avertis contre le fait de suivre les voies de ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire les communautés précédentes et plus particulièrement les gens du livre. Donc on voit ici le noble comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré qu'il est dans une bataille face à ses ennemis, ceci ne lui empêche pas de mettre en garde contre le shirk et d'appeler au tawhid. Aujourd'hui, il y a des gens qui voudraient que, lors des périodes de troubles, lors des périodes difficiles, on se taise sur les égarements, les innovations et les transgressions des gens du faux. Et ils vont sortir des phrases trompant beaucoup de personnes parmi les gens du commun en disant « Le temps est le temps de l'union et non pas le temps de la division. Nous devons faire un seul bloc » ou d'autres paroles semblables. Mais le fait de faire face à un ennemi extérieur parmi les ennemis de cette religion, ceci ne nous empêche pas de purifier nos rangs et de mettre en garde et d'avertir et de prévenir contre le mal présent au sein même de ceux qui font partie ou s'affilient à cette communauté. S'ils font des choses contraires à l'islam, s'ils font des choses contraires au Coran, s'ils font des choses contraires à la sunna, allons-nous nous taire sous prétexte que c'est une période de troubles ou je ne sais quoi? Non. Et comment sortira-t-on de ces troubles si ce n'est en revenant à l'islam authentique et en suivant la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Regardez-le ici, il est en pleine bataille face à ses ennemis parmi les polythéistes. Mais cela ne l'empêche pas de veiller à la préservation de ce fondement immense qui est le fondement le plus important de la religion de l'islam, qui est le tawhid, et de mettre en garde contre le shirk. Et ceci n'est en rien une forme de division, au contraire. C'est une manière de purifier nos rangs et de les renforcer, car c'est en renforçant notre foi, en renforçant notre tawhid, en renforçant notre connaissance et notre pratique de la religion, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous secourir. In tansurullah yansurkum. Si vous secourez Allah, il vous secourra. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous secourez la religion d'Allah, si vous mettez en pratique la religion d'Allah. Mais si vous vous détournez de la religion d'Allah, que vous délaissez ses ordres, que vous transgressez ses interdits, ou pire encore, que vous instaurez des choses nouvelles en religion, et plus grave encore, que vous donnez des associés à Allah et commettez du shirk, pensez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous secourir dans cette situation? Et la réponse est non. Et telle est la cause de la situation que les gens de l'islam vivent aujourd'hui. Et c'est pour cela que le remède est le retour au tawhid et le retour à notre religion comme il se doit, en termes de connaissances et en termes de mise en pratique. Et c'est cela le remède à tous ces troubles, bi'inillahi ta'ala. Donc on tire de ce hadith différents bénéfices, parmi eux premièrement, l'interdiction de s'assimiler aux gens de la jahiliya, aux gens de la période pré-islamique. Et cela fait partie des choses importantes de notre religion. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu appeler à l'islam, appeler à cette religion, et a été légiféré dans cette religion nombre de fondements et nombre de législations venant s'opposer à ce sur quoi étaient les gens de la Jahiliyyah. Les gens de la Jahiliyyah, ils pratiquaient le shirk, ils donnaient des associés à Allah. L'islam a appelé à vouer le culte exclusivement à Allah, a appelé à l'ikhlas. Les gens de la Jahiliyyah, ils étaient divisés. Ils avaient des divinités et des adorations différentes. L'islam est venu unir les gens sur l'adoration d'un seul et même Dieu qui est le vrai Dieu, Al-Ilahul Haqq, qui n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes. Et l'islam a invité à s'unir sur cela et à ne pas se diviser. Les gens de la Jahiliyyah ne se soumettaient à aucune autorité. Et ils considéraient la rébellion comme une forme de courage, comme nombre de personnes parmi les ignorants aujourd'hui. L'islam est venu appeler à l'écoute et l'obéissance aux détenteurs du pouvoir parmi les musulmans. Et ainsi de suite parmi les préceptes de la Jahiliyyah de la période pré-islamique qui ont été abolis par la religion de l'islam. Et nous avons pu par le passé étudier un livre complet à ce sujet, écrit par l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah, sur les préceptes de la période pré-islamique abolie par la religion de l'islam. Il a mentionné plus d'une centaine de points que nous avons pu voir et expliquer. Walhamdulillah. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ce hadith est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé la demande de ces nouveaux musulmans à la demande des enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'il a considéré que leur demande était semblable à celle des enfants d'Israël qui ont demandé à Moussa alayhi salam de leur désigner un dieu comme les polythéistes avaient des dieux. Donc ceci nous montre que le fait de rechercher la baraka, le fait de rechercher la bénédiction d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en croyant qu'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut accorder la bénédiction, ceci relève du polythéisme majeur. Car la bénédiction vient d'Allah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique. Donc la recherche de bénédiction, elle peut relever du polythéisme majeur. Et les gens de science ont mentionné que la recherche ou la demande de bénédiction est de deux sortes. La première est la demande de bénédiction ou la recherche de bénédiction auprès d'une tombe, auprès d'un arbre, d'une pierre, d'un mausolée ou d'un homme, qu'il soit mort ou vivant. En croyant que cette créature auprès de laquelle on recherche la bénédiction, c'est elle qui apporte la bénédiction d'elle-même. Alors ceci relève du polythéisme majeur. Et cela est semblable au polythéisme qui était commis par les premiers mushrikines, les premiers polythéistes, auprès de leurs statues et de leurs idoles. Et c'est de ce polythéisme qu'il est question dans ce hadith, le hadith d'Abu Waqid. Les polythéistes attachaient leurs armes à cet arbre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé cela à la demande des enfants d'Israël à Moussa alayhi salam. Ceci nous montre que ceci relève du polythéisme majeur, car ils croyaient que c'est cet arbre qui leur donnait la bénédiction. Le deuxième type de demande ou de recherche de bénédiction, c'est le fait de rechercher la bénédiction auprès d'une créature en ayant pour conviction que cet acte rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est une adoration dont l'auteur est récompensé, et en ayant la ferme conviction que cette créature n'a ni le pouvoir de nuire ni le pouvoir de profiter, mais que la bénédiction vient d'Allah, comme le font nombre de personnes parmi les ignorants qui vont toucher le tissu qui est posé sur la Kaaba, vont frotter leur corps ou leurs mains, ou ceux qui vont se frotter au mur de la Kaaba, ou vont se frotter au Maqam Ibrahim, la station d'Ibrahim, qui est en face de la Kaaba, ou d'autres qui vont se frotter aux piliers de la mosquée sacrée ou de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils pensent ainsi obtenir la bénédiction, ou ils vont se frotter à des choses qui sont venues de Mecca, comme les vêtements d'Ihram d'une personne revenant du pèlerinage, ou des pierres rapportées de Mecca ou autre chose semblable. S'ils font cela en espérant la bénédiction de la part d'Allah, alors ceci n'est pas du polythéisme majeur, mais cela relève de l'innovation. Et c'est une cause menant au polythéisme. Car il n'est pas permis de rechercher la bénédiction à travers une créature, sauf s'il y a une preuve nous démontrant la légitimité de cela. comme par exemple dans l'eau zamzam, en la buvant, ou comme le faisaient les compagnons radiallahu anhum, avec la sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses cheveux ou ce qui avait touché son corps comme le reste de l'eau, de ses ablutions et ainsi de suite. Ceci est démontré par les preuves. Autre que cela, cela n'est pas permis et relève de l'innovation. Wallahu a'lam. Le troisième bénéfice que l'on tire de ce hadith est que ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les enfants d'Israël, alors les gens de cette communauté seront blâmés aussi s'ils le font. Et ça, c'est important à comprendre, surtout lorsque tu lis le Coran et que tu veux profiter de ta lecture. Tu vas voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne des récits des communautés précédentes, et plus particulièrement des récits concernant les enfants d'Israël. Et ces récits, ils n'ont pas été mentionnés seulement pour qu'on connaisse leur histoire, non. Mais c'est pour qu'on en tire des leçons, des enseignements. Et parmi ces enseignements, le fait d'être mis en garde et averti contre la voie qu'ils ont empruntée. Donc si tu vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne une action qu'ils ont faite, puis qu'il les blâme, ou qu'il mentionne qu'ils ont été châtiés suite à cette action, ceci t'indique que cette action est à délaisser et que tu dois t'en écarter. Sinon, tu encours le même châtiment si tu empruntes cette voie. Donc le blâme, il ne s'adresse pas seulement à eux, mais il concerne toute personne qui emprunterait la même voie. Quatrièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith un signe parmi les signes de la prophétie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce car il a informé d'une chose future qui s'est produite telle qu'il en a informé. Regardez dans ce hadith, il dit « Vous allez certes emprunter les voies de ceux qui vous ont précédés. » Vous allez certes emprunter les voies de ceux qui vous ont précédés. Et dans un autre hadith, il est venu qu'ils vont être suivis pas à pas dans leurs moindres faits et gestes. Et observez la situation de la communauté aujourd'hui. Combien sont ceux parmi les musulmans qui ont adopté le mode de vie de ceux qui nous ont précédés, qui suivent pas à pas les tendances et les modes étrangères à l'islam et aux musulmans? Combien sont ceux à imiter les polythéistes et les mécréants dans leur coiffure, dans leur tenue vestimentaire, dans leur manière de vivre, dans leurs loisirs, dans leur méthode d'éducation? On trouve même certains qui vont jusque-là aller chercher, aller suivre dans leur méthode d'éducation et délaisser les enseignements du Coran et de la Sunna et ainsi de suite. Pas à pas. La moindre chose qu'ils font, on va trouver des musulmans qui les suivent sur cela. Et ils pensent que ceci est une manière d'être cultivé, d'être civilisé ou je ne sais quoi, ou al-ayyadu billah. Et ils délaissent peu à peu les enseignements de l'islam pour s'assimiler aux polythéistes et aux mécréants, ou al-ayyadu billah. On a même vu récemment des gens qui se sont mis à laisser pousser leur barbe, non pas par suivi du meilleur des hommes, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, celui dont ils attestent qu'il est le messager d'Allah. Ils refusaient depuis des années de laisser pousser leur barbe pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'ils étaient conseillés à ce sujet, beaucoup d'entre eux répondaient certainement « oui, mais ce n'est pas obligatoire » ou d'autres paroles semblables. Puis lorsque ceci est devenu la mode chez les corrupteurs, les pervers, alors ceux-ci se sont mis à les suivre. Donc on voit qu'il y a un grand besoin d'éducation dans notre communauté, un grand besoin de remise en question. Savoir qui sont nos modèles, qui sont ceux que l'on doit suivre. Et prendre garde à ne pas suivre les voies de ceux qui nous ont précédés. Enfin, le cinquième bénéfice que l'on va mentionner, qui est tiré de ce hadith, est que l'homme doit avoir peur du shirk. Et nul parmi nous ne doit se sentir à l'abri. Il se peut qu'une personne vive parmi les musulmans, soit entourée de musulmans, mais voit une chose autour d'elle qu'elle considère comme bonne, puis pense que cela rapproche d'Allah, alors qu'en réalité, cela fait partie des choses les plus gravissimes, l'éloignant et la privant de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui faisant encourir sa colère et son châtiment. Comme ceux qui considèrent comme bon nombre de formes de polythéisme, comme la recherche de bénédiction auprès des tombes et des mausolées, qui se rendent auprès de ces tombes et se frottent à leurs murs, ou prennent de la terre qui se trouve à proximité de ces tombes et frottent leur visage avec cette terre ou se roulent dedans, ou autres actions semblables. D'autres vont peut-être faire des sacrifices auprès de ces tombes pour les morts, pour les habitants de ces tombes, et sortir ainsi de la religion de l'islam Wallahu al-musta'an. Donc, nul ne doit se sentir à l'abri. Nul ne doit penser que le shirk est une chose dont il est immunisé. Non, personne n'est à l'abri. Et regardez aujourd'hui même certaines personnes que l'on qualifie comme hommes de science ou grands savants, des références chez nombre de personnes parmi les gens de la masse et plus particulièrement parmi les gens sectaires et déviants qui vont se rendre auprès du cheikh de la confrérie et prendre de sa salive et la passer sur leur visage, pensant ainsi trouver la bénédiction ou l'ayadu billah. Donc vous voyez que ceci est une chose très dangereuse, au point que même des personnes prises pour modèle commettent cet acte d'une gravité extrême. Wallahu al-musta'an. On a donc terminé avec ce hadith. Walhamdulillahi rabbil alamin.